one. Ton numéro les employés final. Municipaux de la ville de Montréal qui, pour sensibiliser les gens, la population, au sort terrible qui les attend parce qu'il va falloir qu'ils payent davantage pour leur fonds de pension, ils ont eu une excellente idée pour ameuter la population, mettre des vidanges devant l'hôtel de ville, puis crisser le feu dedans. Quelle bonne façon de mettre les gens de ton bord! Ah, c'est la manière idéale. Puis, ils sont enchômés, donc pas besoin de porter plainte, puis pas besoin de... Ben non, t'as-tu vu la photo qui circule où tu vois le policier qui donne un gros une grosse poignée de main à un goon du syndicat, là, puis qui ont ben du fun. Là, les policiers, qui avaient toute la difficulté du monde à faire respecter P6, le fameux règlement à Montréal qui fait que tu dois donner l'itinéraire de ta manifestation, puis tu dois respecter certaines règles et tout ça. Alors là, les policiers eux-mêmes ne respectent même pas ce règlement-là. Alors, veux-tu me dire comment ils vont faire à la prochaine manifestation, quand il va y avoir des étudiants ou des syndiqués dehors, puis qu'ils respecteront pas P6, comment les policiers vont pouvoir dire à ces gens-là, vous devez respecter le règlement, alors qu'eux autres même ne le respectent pas, ils viennent de se tirer directement dans le pied et de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Ils ont perdu toute légitimité. Voyons très donc. Inquiétant aussi pour l'avenir, pour l'État québécois, parce que ça va brasser. Il y aura bien sûr plusieurs autres manifs relativement au rééquilibrage des caisses de retraite, mais il y aura aussi d'autres manifs concernant la négociation du prochain contrat de travail. Ça va péter partout au Québec. Ça va péter partout. On va-tu pouvoir faire confiance aux polices? Ils ont commencé, les employés municipaux, ils veulent plus faire d'heures supplémentaires parce qu'ils boutent dans leur coin. Là, ils sont obligés d'annuler la fête nationale. Ouais. 3 juin, parce qu'eux autres, ils veulent pas faire d'heures supplémentaires. Ça va être quoi après? Des piscines qui vont fermer? Ça va être quoi? Ils vont prendre la population en otage, puis après ça, ils nous disent solidarité. Solidarité, vous voulez que des gens qui ont très peu de fonds de pension, qui ont un petit régime de retraite, contribuent à votre régime de retraite chromé à vous, que tout le monde paye pour vous, puis vous nous parlez de solidarité? C'est que ces gens-là, là, c'est-tu quoi, là, Dominique et Jean-Claude? Ces gens-là, ils n'ont pas vu le vent tourner. Ce qui est arrivé, c'est qu'avant, effectivement, les Québécois étaient très ignorants de toutes ces questions-là. Oui. Des finances publiques, des régimes de retraite. Mais là, il y a eu vraiment une job qui a été faite, entre autres, par des gens de choix, beaucoup. Oui. Entre autres, par des gens comme Joanne Marcotte, entre autres, par des gens comme... il y a plein de monde qui ont éduqué les Québécois depuis quelques années à ces questions-là, l'économiste Pierre Fortin et tout ça, les finances publiques. Et là, maintenant, le contribuable moyen, il est plus cave, il sait. Fait que là, ces gens-là, les syndicats, agissent comme à la belle époque où ils pouvaient faire la pluie le beau temps et on comprenait pas ce qui se passait. Tandis que là, les gens, ils sont allumés, ils sont sensibilisés à ce qui se passe dans les finances publiques, ils ont été éduqués. Et là, finalement, on les regarde, on dit, qu'est-ce que vous faites là, vous autres, ma gang de cave? Sauf que là, il y a un petit bémol qu'il faut apporter, puis c'est Canal Argent qui a sorti ça, je trouve ça bon. Si l'État veut donner des leçons, si l'État veut vraiment être équitable envers tous, je sais pas si tu as lu la nouvelle concernant les élus et les juges et leur régime de retraite. Regarde, l'État... les députés financent quasiment pas de leur poche leur régime de retraite. C'est l'ensemble des contribuables qui casquent pour ça. Et que dire des juges? Les juges nommés avant 2001 n'ont pas besoin de contribuer à leur régime, leur cotisation étant déboursée par leur employeur. Comme on dit avec les policiers, tu peux pas vraiment faire respecter une loi que tu respectes pas toi-même. C'est un peu ça le gouvernement. Ils demandent aux employés municipaux ce que tu es en train de me dire, de faire des sacrifices alors qu'eux autres même les font pas. C'est ça. Il va falloir juste ajuster ça. La question des juges et des députés, là, vraiment, ça a été une belle trouvaille, je trouve, du Canal Argent. Puis il va falloir que Pierre Moreau se penche là-dessus. Mais là, quoi de mieux? On va se retrouver avec des juges dans la rue, avec les toges. Hey, ça va être un méchant festival, ça, à l'automne? Ça va être le festival, effectivement, du gros bras, le festival. Mais moi, je n'en reviens pas qu'ils ont pensé quoi, les policiers, soudainement? Là, il y a des pompiers qui arrosaient, un boyau de pompiers qui arrosaient la devanture de l'hôtel de ville. Il y avait certains policiers qui faisaient crier la sirène de leur auto-patrouille. Puis le chef de police, Richard, il est où? Le chef de police, il est où? Ça, c'est un test politique pour Coderre aussi, Richard, là. Et là, ils ont demandé, là, les gens demandent, mais comment ça se fait que il y avait P6, ne s'était pas appliqué, et là, t'as Lafrenière, qui est le porte-parole du SPVM, qui a dit oui, mais c'était une manifestation statique, immobile, c'est-à-dire qu'il ne bougeait pas. Il était donc, il y avait le droit d'eux autres de barrer une rue, sans aucun problème. Avec des camions officiels de la ville, hein, Richard? Avec des camions officiels de la ville. Il y avait le droit de faire ça, eux autres. Eux autres, ils n'ont pas eu d'amende. Par exemple, si c'est un jeune qui manifeste, il y a 3 gongs qui vont sauter dessus et qui vont l'amener dans l'autopatrouille, à un moment donné, 2 poids, 2 mesures. Ça a l'air fou, bien raide, cette affaire-là. Gros test politique pour Coderre, ça. Coderre qui veut faire appliquer des sanctions, là. Ça, c'est un gros test politique. On va voir de quel bois il se chauffe aujourd'hui. Mais ça montre à quel point là, l'histoire des régimes de retraite, là, à quel point ces gens-là sont déconnectés de demander à la population en général de financer leur régime qu'on leur a donné avec des prestations des prestations déterminées. Là. Exact. On donnait ça à l'époque parce qu'on roulait sur l'or, parce que bon, on était très optimiste quant à l'avenir, on donnait des cadeaux incroyables aux employés municipaux, mais là, ça a changé, on est pris à la gorge, les gens sont plus capables de payer ces privilèges-là, et cette gang-là qui nous parle de solidarité veulent à tout prix garder leurs privilèges.